Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre. Nous sommes le 1er décembre 2021. Voici le journal. Dans ce journal, on reviendra largement sur l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté des pays de l'Afrique de l'Est, dont le Burundi fait partie. Son voisin de l'Ouest en a fait la demande et une équipe de vérification de conformité au statut de cette entité régionale a déjà transmis son rapport au chef d'État des pays de l'EAC. Où en est-on donc dans ce processus? Quels avantages pour la RDC et le Burundi? Analyse à suivre dans ce journal, dans lequel nous vous proposerons également les avis des Congolais sur cette intégration. Nous irons à Uvira. Également dans ce journal, les violences basées sur le genre. Nous sommes toujours dans les 16 jours d'activisme et de lutte contre ces violences. Le Burundi ne compte que 5 centres intégrés de prise en charge contre les victimes de ces violences. Une lacune, nous dira un expert dans ce domaine. Mais le ministère de la Santé compte les multiplier à travers le pays. Et vous y êtes habitués, les mercredis, nous terminerons ce journal par une chronique sur les messages de haine. Un chercheur en justice transitionnelle nous expliquera comment la présomption d'innocence est un moyen de lutte contre ce genre de discours. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonjour. Les ministres chargés des affaires de la communauté de l'Afrique de l'Est ont recommandé au chef d'État de l'EAC d'examiner le rapport de l'équipe de vérification sur la demande de la République démocratique du Congo à rejoindre la communauté. Et selon le site de cette communauté, l'équipe de vérification a entrepris cet exercice à Kinshasa du 26 juin au 5 juillet 2021 dans le but d'établir le niveau de conformité de la RDC au traité instituant la communauté est-africaine. On fait le point avec Moïse Misago. Ces ministres ont en outre recommandé que les chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est dirigent le début des négociations avec la RDC, conformément aux conclusions de l'équipe de vérification. Selon le site de l'EAC, ces derniers ont examiné les conclusions du rapport visant à garantir que la RDC est un bon candidat pour rejoindre l'EAC. Le rapport a observé, entre autres, les cadres institutionnels mis en place, les cadres juridiques, les politiques, les projets et programmes, les domaines de coopération avec d'autres États partenaires de la communauté de l'Afrique de l'Est et les attentes de la RDC vis-à-vis de son adhésion à la communauté. La question relative à la paix et à la sécurité, à la langue et au système juridique font partie des domaines qui seront pris en compte pour une voie stratégique à suivre lors des négociations. S'exprimant à l'issue de la réunion, le secrétaire général de l'EAC, le docteur Peter Matuki, a déclaré que la population d'environ 90 millions d'habitants de la RDC a le potentiel de contribuer à l'élargissement des opportunités de marché et d'investissement, lit-on toujours sur le site de l'EAC. Le sommet des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est, lors de sa 21e réunion ordinaire tenue le 27 février 2021, a examiné la demande de la RDC d'adhérer à la communauté et a chargé le conseil d'entreprendre rapidement une mission de vérification conformément à la procédure de la communauté de l'Afrique de l'Est pour l'admission de nouveaux membres dans la communauté. En vertu du traité, les critères d'admission de nouveaux pays dans la communauté sont entre autres l'acceptation de la communauté telle qu'énoncée dans le traité, l'adhésion aux principes universellement acceptables de bonne gouvernance, de démocratie, de l'état de droit, de respect des droits de l'homme et de la justice sociale, de proximité géographique et l'interdépendance entre celui-ci et les États partenaires de l'EAC. Moïse Misago est interrogé. La majorité des habitants de la ville d'Uvira sont contents de l'adhésion de la RDC dans la communauté est-africaine. Ils voient à travers cette intégration des avantages, comme la suppression des visas chers pour entrer en Tanzanie, en Ouganda ou au Kenya. Mais une autre partie de la population pense que la RDC se trouve en position de faiblesse. Suivez ce micro-trottoir de notre correspondant à Uvira, Jérémy Kouima. il y aura cette possibilité des échanges, la circulation des biens et des personnes qui sera un peu garantie, le visa sera gratuit. La circulation des biens de première nécessité n'aura pas vraiment beaucoup de problèmes. À la sécurité aussi, il doit y avoir aussi un mécanisme de coopération qui garantit les avantages de chaque État de cette communauté. Nous venons d'assister à l'entrée des troupes ougandaises. Bon, moi, je suppose que ça fait partie de cette adhésion déjà. La RDC n'exporte rien. Mais elle doit faire aussi pour produire, parce qu'on doit exporter des choses qu'on produit. Si elle ne produit pas, alors c'est à nous, Congolais, et à notre gouvernement, de mettre des mécanismes. Les Congolais vont bénéficier parce qu'ils auront la facilité de traverser les frontières vers les pays voisins pour faire le business. Parce que traverser sans visa, c'est déjà un avantage pour les Congolais parce que ça coûte. Au niveau économique, ça va un peu coincer la RDC, mais ça va aussi être bénéfique aux voisins. Oui, c'est le plan sécuritaire, oui et non. Comme la Tanzanie, nous avons des militaires tanzaniens, vous savez, déjà au Congo. Et ça, c'est depuis un temps qu'ils sont venus nous aider. Bon. Les Ougandais aussi avant-hier, bien que nos peuples congolais, à partir de ce qu'il y a eu avant, à l'époque du RCD, c'est pas un bon allié. Mais bon, toutefois, la politique internationale ou la politique est dynamique, on ne sait pas. Mais c'est pas vraiment un bon allié. C'était le micro-baladeur de notre correspondant Jérémy Kouhima à Uvira, en RDC. Et la rédaction de la radio Isanganiro revient sur l'analyse faite par le journaliste Elini Berni Vigila après que le 21e sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine, tenu le 27 février 2021, ait reçu la demande d'adhésion de la RDC à cette communauté. Selon lui, cela constituerait un atout pour l'EAC, mais ce journaliste trouve qu'il faut préalablement se pencher sur des défis sécuritaires. Suivez. La RDC est un pays très vaste, c'est le 11e pays le plus peuplé aussi, de 84 millions en 2018, avec plus de 185 millions de la population est-africaine. Vous comprenez que c'est une population qui n'est pas négligeable, comparativement à ces pays comme le Burundi, qui a plus de 11 millions d'habitants, Sud-Soudan avec plus de 10 millions d'habitants. La population congolaise et burundaise donc font au total 95 millions d'habitants, soit plus de la moitié de toute la population est-africaine. Donc les deux pays pourront imposer leur langue officielle qui est le français, absent dans d'autres langues officielles des autres pays. Il faut aussi noter que la République démocratique du Congo est désenclavée, contrairement aux autres pays. Avec la République démocratique du Congo, l'EAC pourra, par exemple, avoir accès à l'océan Atlantique, une zone qui est riche en échanges commerciaux. Mais la République démocratique du Congo apporte aussi des défis que l'EAC pourra l'aider à résoudre. D'abord, c'est cet aspect sécuritaire. C'est un pays où pullulent plusieurs groupes armés qui se compte aujourd'hui à une centaine. La situation sécuritaire reste vraiment un défi dans les pays de la communauté est-africaine. Quand je parle de sécurité, il faut aussi rappeler que la Somalie, qui connaît des groupes terroristes, a demandé aussi l'adhésion à l'EAC. La RDC a aussi besoin d'une exploitation minière de façon industrielle. Son sol est riche en cuivre et en or, et cela au profit de l'EAC. Il y a aussi ces mésententes et des accords répétitifs entre certains pays membres de l'EAC et ça bloque vraiment le développement politique et économique au sein de cette communauté. Bref, la République démocratique du Congo apporte plus d'atouts à l'EAC que des défis. C'était l'analyse de notre confrère Elini Bel Nibigira. Venons-en maintenant à celle du professeur Evariste Ngaïmhenda qui trouve que l'entrée de la RDC à la communauté est-africaine va apporter des atouts au niveau de l'éducation. Désormais, dit-il, avec cette entrée, l'usage de la langue française sera au même pied d'égalité que la langue anglaise. Selon lui, le mouvement des personnes et des marchandises sera relativement profitable au Burundi, placé à une position géographique à cheval entre l'Est et l'Ouest, ajoute-t-il. Suivez le professeur Evariste Ngaïmhenda. Telle que la situation était jusqu'à aujourd'hui, il y a quelque part une dictature de la langue anglaise. Cette marginalisation du français portait donc un préjudice à nous, Burundais, parce qu'on ne maîtrise pas l'anglais. Alors, du moment qu'on ne maîtrise pas l'anglais, ça veut dire qu'il nous est plus ou moins difficile de parler d'une voix audible dans les différents forats qui sont organisés dans les différentes instances de la communauté de l'Afrique de l'Est. Même au niveau des emplois, je pense qu'on y va déjà, on y entre déjà défavorisé par cette faible maîtrise de la langue. Alors, cette entrée de la RDC devrait placer au même pied d'égalité l'usage de l'anglais et du français. Le deuxième avantage, c'est par rapport à notre position géographique. L'entrée de la RDC va faire passer au Burundi de position d'un état excentré par rapport à cet ensemble. Donc, à partir du moment où devient un état central, donc à cheval entre l'Afrique de l'Est et la partie ouest de cet ensemble, eh bien, le mouvement des personnes comme celui des marchandises devrait nous être relativement profitable, évidemment. Enfin, si je devais parler comme acteur dans le secteur de l'éducation, particulièrement dans l'enseignement supérieur, je pense que ça devrait permettre une intensification des relations entre le monde universitaire congolais et le monde universitaire burundais. Il y a déjà des relations qui sont nouées entre certaines institutions universitaires du Burundi et d'autres de l'Est du Congo. Pour cela, est-ce que le Burundi va-t-il bénéficier davantage des atouts au niveau des cerveaux bien faits? Ça devrait, mais cela comporte une double dimension. Notre système scolaire, s'il est compétitif, il va sans doute attirer des élèves et des étudiants, mais aussi des enseignants. Que suggérez-vous aux Burundais, surtout d'en profiter de cette entrée de la RDC à la communauté est-africaine? Ceux qui vont en profiter, ce sera ceux qui seront anticipés. Anticiper, c'est maîtriser les rouages de cet ensemble géographique, économique, politique. Donc, il faut maîtriser les textes qui le régissent, spécialement si l'on veut tirer le meilleur profit. Il faut que le gouvernement soit derrière nos investisseurs, quel que soit le secteur dans lequel ils vont s'engager. Le professeur Évariste Ngaïmenda était au micro de Médard Niyonkuru. On termine ce dossier intégration de la RDC, la prochaine intégration de la RDC à la communauté est-africaine par l'analyse du professeur Léonidas Ndaïzeye qui trouve que cette intégration, l'intégration d'un pays à une communauté a plus d'avantages dont la fluidité des échanges commerciaux et la suppression des visas. Léonidas Ndaïzeye, spécialiste en intégration régionale, fait référence donc à la prochaine adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté est-africaine. Écoutez-le au téléphone avec Mireille Kanyang. Adhérer dans une communauté économique régionale signifie rejoindre les autres pays pour avoir un marché plus vaste, de façon que, en termes des échanges, cela devrait profiter normalement aux producteurs, aux entreprises de chacun de ces pays-là pour pouvoir réaliser ce qu'on appelle des économies d'échelle, c'est-à-dire produire beaucoup pour profiter justement de ce vaste marché et les coûts moyens de production devraient donc baisser. Les citoyens de ces pays peuvent circuler librement, par exemple dans l'espace East African Community. Ça, c'est d'ailleurs le premier gain qu'aura la RDC les Congolais. Ils vont pouvoir circuler dans les 6 autres pays membres de l'EAC sans problème. Aujourd'hui, la RDC vient de rejoindre l'East African Community et la RDC est dans la SADC, elle est dans le COMESA, elle est à la CRPG. Nous allons partager toutes ces communautés-là. Et le problème lié à cela, c'est que dans chaque communauté et chaque pays a le devoir de contribuer. Et finalement, quand on adhère dans beaucoup de communautés, vous avez ces problèmes de pouvoir vous acquitter de ces contributions, ce qui handicape d'ailleurs le bon fonctionnement de ces communautés. Le niveau des échanges intra-régionaux reste très, très, très faible. C'est ça qui était le soubassement même de l'intégration régionale. Et là, les retombées économiques ne sont pas très, très bien visibles. Mais pour le cas en espèce, pour le cas de la RDC, si on parle de le Burundi, vous savez, il y a un type de commerce qu'on appelle le commerce transfrontalier. Et le commerce transfrontalier avec la RDC est très, très florissant, même s'il est informel. Comme on disait, le commerce transfrontalier, on parle de la Tanzanie, du Rwanda. Bon, pour le Rwanda, c'est un peu compliqué parce que, vous savez, à un certain moment, on a eu des relations pas très bonnes. Donc, les échanges tellement diminués jusqu'à devenir presque nul. Sinon, avec la Tanzanie, la balance commerciale est déficitaire. Mais avec le Congo, la balance commerciale est excédentaire. Donc, comme la RDC vient de rejoindre la communauté et que c'est un pays qu'on échangeait sur, maintenant, il rejoint une communauté qui a déjà qui constitue déjà un territoire douanier unique, qui est déjà à un stade de marché commun, c'est-à-dire où la population, les capitaux s'équilibrent librement. On peut s'attendre à ce que le Burundi en profite de ce marché pour y exporter davantage. C'était l'analyse du professeur Léonidas Ndayizeye sur la prochaine adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté est-africaine. Il est 13h12 à Bujumbura et sur Isanganiro. On marque une courte pause et on entre dans les 16 jours d'activisme et de lutte contre les violences faites aux femmes. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le centre Mhoré de prise en charge des violences basées sur le genre intégré à l'hôpital de Muyinga ne fonctionne plus aussi bien qu'avant. Dorine Niokindi, psychologue de ce centre, fait savoir que depuis que la Banque mondiale a arrêté ses aides, les victimes sont obligées de payer la plupart des services. Elle demande au gouvernement burundais et aux différentes ONG de soutenir ce centre. L'ONG Mémissa Belgique a promis ce mardi d'intervenir. C'était dans un atelier sur la prise en charge des violences basées sur le genre. Correspondance, Pierre Claver Barundi. Ce centre Mhoré, intégré à l'hôpital de Muyinga, traite tous les cas de victimes ayant subi les violences basées sur le genre. Dorine Niokindi, psychologue de ce centre, explique son fonctionnement. Moi, en tant que psychologue, je leur apporte un soutien psychologique pour ces victimes qui ont subi des violences. Parfois, ils présentent des traumatismes liés aux différentes violences qu'ils ont subies. Ce qui fait que, parfois, il y a celles qui viennent avec des traumatismes et qui ont besoin d'avoir un psychologue. Au centre, je ne travaille pas seule. Il y a aussi mes collègues des OPG qui sont chargés de la prise en charge juridique et judiciaire. On a aussi des magistrats, des médecins et des infirmières. Et nous tous, on travaille sur une même place, ce qui fait qu'une victime arrivée au centre, il y rentre à reçu tous les services nécessaires sans être trop fatigué. Elle déplore le fait qu'aujourd'hui, les victimes sont obligées de payer la plupart des services et que leur assistance est limitée depuis que la Banque mondiale n'intervient plus. Je dirais que l'accompagnement n'est pas aussi satisfaisant comme on l'aurait souhaité parce qu'avant, on était appuyé par la Banque mondiale qui payait presque tous les services que les victimes recevaient. Mais après la fin du projet, c'est-à-dire fin 2019, on a commencé à travailler sans appui à partir de 2020. Il y a beaucoup de services qui se sont arrêtés. C'est pourquoi Dorine Niokindi demande le soutien du gouvernement ou différentes ONG pour que ce centre fonctionne comme avant. Dans un atelier de sensibilisation sur la prise en charge holistique des violences basées sur le genre de ce mardi, l'ONG Mémissa Belgique, par la voix de son coordinateur, Dr Edouard Nkurunziza, a promis une intervention dans ce sens. Pierre Claver Barundi, Muyinga, Radio Isanganiro. Et le Burundi ne compte que 5 centres intégrés de prise en charge des victimes d'abus basés sur le genre. Selon l'expert dans ce domaine, Dr Théophile Ebigayi, il s'exprimait au cours d'une conférence de presse conjointement organisée par 3 ministères, dont celui de la santé publique. Et c'est pour cela que ce dernier projette multiplier ce genre de structures de soins à travers le pays. Suivez-le. Chaque hôpital du pays devrait avoir un psychologue expert en lutte contre les abus basés sur le genre. Car une personne qui a subi ce genre d'abus n'est pas facile à suivre. C'est pourquoi au sein du ministère de la Santé publique, nous avons un projet de mettre en place des psychologues dans chaque province. Nous avons aussi un projet d'implanter dans chaque province un centre intégré pour accueillir les victimes de ce genre d'abus. Pour le moment, il n'y a que 5 ou 6 centres d'intégration à travers le pays. Parle, rassure-moi. Dans la chronique Parle, rassure-moi de ce mercredi, nous vous parlons du respect du principe de présomption d'innocence comme moyen de lutte contre la prolifération des messages de haine. Et c'est avec le chercheur Aloïse Batungwanayo qui indique que notre société a plutôt tendance à mettre en avant la présomption de culpabilité à cause des périodes sombres qu'a connu le pays, ce qui favorise les messages de haine. Aubin Niyonguru. La présomption d'innocence est un principe juridique selon lequel toute personne est innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par le juge. Ce concept peut s'expliquer aussi socialement. Aloïse Batungwanayo fait savoir que les gens ont tendance au Burundi à prendre leur père comme responsable ou coupable des forfaits qu'ils ont subis. La présomption de culpabilité, aujourd'hui, on voit une personne, c'est l'on connaît Mouhutu, Mututsi, du sud ou d'autres dans une autre localité. Il suffit de voir cette personne, on a tendance à la coller du passé douloureux. Pourquoi ? Parce que la personne qui est blessée, elle garde une image de quelqu'un qui lui a fait du mal. Avec cette tendance de privilégier la présomption de culpabilité de l'autre, cela favorise la considération de soi et son groupe comme bon et les autres comme mauvais. Dans le contexte actuel du Burundi ou d'autres pays post-conflit, justement, c'est malheureusement cette présomption de culpabilité qui prévaut parce que les gens ont tellement souffert et parce que la justice n'a pas fonctionné, n'a pas fait son travail comme il le faut, et parce que le processus de recherche de la vérité, de traitement du passé est en cours ou a été mal conduit, parce que ça arrive également, les gens ont tendance à voir l'autre qui est mauvais. Quand la présomption d'innocence est valorisée, cela permet plutôt de limiter la prolifération des messages de haine. Normalement, la présomption d'innocence devrait prévaloir. Pourquoi ? Si les communautés ne mettent pas en avant cette présomption d'innocence, eh bien, le processus de recherche de la vérité, le processus de réconciliation est loin d'être une réalité. Parce que lorsque je continue à identifier l'autre comme mauvais, je vais le transmettre à ma progéniture. Et au fil et à mesure, au fil du temps, ça va aboutir à de nouvelles violences. Parce que j'ai déjà pointé du doigt. Je suis incapable, c'est-à-dire que je suis incapable de me venger. Et si je suis incapable de me venger et que je transmets cette haine à ma progéniture, à un certain moment, c'est ma progéniture qui va chercher tous les moyens pour se venger. Aloïse Batungwanayo conseille aux leaders d'adopter l'attitude positive pour que chacun voit l'autre différent de lui comme un partenaire. C'est à partir de ce moment que même le processus de réconciliation sera effectif, ajoute-t-il. Merci Aubin Niyonguru, 13h19 à Bujumbura et sur Isanganiro. C'est par là que nous bouclons ce journal qui était principalement axé sur l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté des pays de l'Afrique de l'Est. Nous avons également parlé des violences basées sur le genre. Nous sommes toujours dans les 16 jours d'activisme et de lutte contre ces violences. Et nous venons de terminer par la chronique sur les messages de haine. Vous y êtes habitués. Aloïse Batungwanayo, chercheur en justice transitionnelle, nous a expliqué comment la présomption d'innocence est un moyen de lutte contre ce genre de discours. Voilà, c'est la fin de ce journal. Il est 13h20 à Bujumbura et sur Isanganiro. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à réaliser ce journal qui a été mis en onde par Séraphine Hakizimana. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Passez un très bon après-midi.